D'aussi près que l'infini, si loin, si proche, d'aussi loin, d'aussi proche, crois qu'est loin l'infini, alors que tous les jours on le touche, je te parle des vraies personnes qui acceptent d'aussi loin, d'aussi proche. Nous ne sommes pas aussi loin qu'on croirait. Cosmogonie, anthropologie clinique dans la place. Afa, Aouni, Afa, Ané, Afa, Ané, Afa. D'aussi loin, d'aussi près, tu crois que t'es loin. L'infini n'est pas si loin. D'aussi loin que l'infini, au-delà de l'infini, non, réalité, tangible, les deux pieds sur terre, viens régler moi mon problème. C'est que mes deux pieds n'étaient pas bien réglés. Afa, afa, afa, afa. Vous m'entraînez vers des terrains glissants. Les musiciens, putain, la puissance des musiciens, capables de t'entraîner sur d'autres pentes. Enfin. My friend musician, because he will love. We are about to create sound. Yeah. Situation. We are in situation. Afa. Afa. No protection. Protection. No protection. Protection. No protection. Protection. No protection. Protection. No protection. Are you able to protect? Are you able to protect my sin? Je fais le sample. We send a message to the world. Send an SOS to the world. Major Tom, can you hear? Attention. How near, how far, how near, how far, near, far. D'aussi loin que l'infini, truc de dingue, truc de fou, d'aussi loin. Ah, un truc de fou, un truc de dingue, un truc de psychopathe. Ah! ça te remonte par le bras jusqu'au cerveau. Jusqu'au cerveau. Précolombien. Avant 1500, d'autres civilisations, d'autres modèles de puissance, la puissance, la puissance de power, where is the power? The power, the power. The power. Where is the power? Where is the power? Where is the power? Where is the power? Where is the power? The power. I love it because we are. The power. We are able to listen. about to love, about listen, we are, yeah, we are, about to hear, we are, about to play, we are. Capable de dormir dehors. Les oiseaux, les cascades. Thank you. Vas-y, Wadi, impose-toi. Bye. Fly. Jour après jour, toujours pas tranquille, posé dans un meublé, un détecteur. Difficile de se poser tranquille dans un meuble. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Bunny and Guy. My bunny, oh my Clyde, tranquille, posé dans un meublé, voici les policemen qui reviennent à l'attaque, tac, tac. Tranquille, posé dans un meublé. Qui a, j'ai cru ça c'est. Je te mélange. Bonnie and Clyde. The Bonnie and Clyde. Attention. The Bonnie and Clyde. The Bonnie and Clyde. Le couple infernal que t'aurais pas espéré. Oh, The Bonnie and Clyde. Le couple que tu rêves, que t'aurais pas. No wait, no hope. À travers le temps, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Yeah. the Bonnie and Clyde, the Bonnie and Clyde. Oh. Les policemen qui reviennent à l'attaque. Apparence devant l'évidence de la catastrophe avant nous avait compris l'évidence. Yeah. n'existe pas. C'est grave. Aujourd'hui, de sortir du binôme, alors qu'aujourd'hui, tout seul, on s'en sort mieux qu'à deux. Aujourd'hui, tout seul, on s'en sort mieux qu'à deux. Chacun, sa chacune. Chacun son instrument. Pas de religion, pas de dogme. Oh, yeah. Voilà. I know I need to restore my wisdom and existing. You know I need, I know you need, you know I am. Restoring my wisdom exists like a tree in the forest, in the sea. Then welcome my son, welcome my brother, welcome to the future. Welcome my brother. Encore s'approche. Yeah, we share. Yes, we are in. Share. Thank you, Darwin. Thank you, Ninja. I love you, Darwin. I love you, Ninja. We've always been. We've Ninja. A weeper. A weeper, yeah. Weave a weaver. Ninja. Who's Nation. À travers l'espace et le temps, les continents. Oh. Un truc de fou, un truc de dingue, un truc de psychopore. Worldwide, à travers l'espace et le temps, through space and time. Weighty. We're willing to hear one another. We are feeding the agenda. Loan the soul. Tank of love. Attempt of the heard and listened. The attempt of Koopa. Play on the web. Even now, because what would you find? The place to come with you. Nowhere else than here, you will find a way. And the real together. We are, because we are the people. I am the people. I am in the place. I'm hepatite plant. Hepatite touch. Hepatite. Hepatite shit. A boy to lose. Hello. Révolutionnaire parce que sensible. Révolutionnaire parce que sensible. About to love, about to share, about to love, sur les marches du palais, tout en bas de l'escalier, tout ça, et pas de l'eau, tout en bas. je vais pas de classe. Le reflet. À travers l'espace et le temps. Les continents. We are empathic. Yeah, we are empathic. Empathic.